my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes, whatever it takes. Imagine Dragons, Whatever It Takes sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Alors petit comme grand, c'est une chose, un phénomène qui nous a tous touchés, attention. Un chagrin d'amour. C'est un bateau qui passe sans larguer ses amarres. Un chagrin d'amour. RTL2. C'est les inconnus, hein, Didier Barbelavi et Félix Grave. C'est bien ça. Et on parle du fameux chagrin d'amour. Cette sale période de la vie, hein, qui nous brise le cœur, qui nous fait prendre ou perdre des kilos, selon les personnes. Eh bien, les scientifiques l'ont prouvé. Les douleurs émotionnelles provoquées par une rupture sentimentale activent des régions cérébrales similaires lorsqu'on se fait mal physiquement. Ah d'accord, c'est-à-dire que c'est le même endroit dans le cerveau quand on se blesse ou quand on est blessé psychologiquement. En gros, les bobos du cœur sont bel et bien réels. On souffre physiquement d'un chagrin d'amour. Ouais. Ah mais on s'en remet après, il faut le savoir. Dis ça à Greg mais, là. Mais Greg, il n'a jamais... C'est une machine. Alors c'est hallucinant. Si vous nous écoutez depuis un moment, vous le savez. Greg n'a jamais vécu de chagrin d'amour. Moi je trouve ça hallucinant. Mais j'en ai vécu pour toi. Hein. Je précise, je n'en tire aucune fierté. C'est pas la glande. Non, comme mais c'est pas ce que je dis. Encourage pas ma femme à partir, toi. Mais tu sais, on sera là. C'est bien d'être entouré. Bébé, faut que tu restes. Vas-y, j'envoie un SMS. Bébé, reste à la maison. Je t'appelle jamais bébé, c'est horrible. Il y aura de la musique après. Lenny Kravitz et puis surtout Clara Luciani ou Luciani. On lui demandera Luciani. Il y a tellement de possibilités, c'est merveilleux. Clara est là. Et Clara est là. Elle vient chanter en direct surtout, c'est le plus important. À tout de suite. RTL2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez. RTL2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Avec les couettes et les oreillers Cola Normand, fabriqués en Normandie, c'est tous les jours dimanche. Une récupération optimale, avec ou sans réveil matin. Alors vous aussi, soyez conquérants. Avec les couettes et oreillers Cola Normand, par tous les temps, chaque matin, partez gagnant. Il est bientôt 8h sur RTL2. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. C'est Noël Land chez Toys R Us. Les lutins du Père Noël, ils doivent avoir tellement

Luciani, on ne sait pas, suspense. On ne sait pas, oui. Ou Luciani, on ne sait pas. La météo, la perturbation d'hier va se décaler sur l'est du pays. On attend de la pluie du sud-est, du massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies. Quelques orages aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et surtout le sud-ouest. Cet après-midi, les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. Côté Mercure, les températures sont en légère baisse avec de la neige attendue des 1200 mètres d'altitude. Comptez 4 degrés ce matin à Agno, 7 à Lyon, 8 à Valenciennes et à Agen, 9 à Paris et à Saint-Malo, 11 à Arles et 12 à Ajaccio. 8h03, merci beaucoup. Retour des infos tout à l'heure à 8h30 dans le double expresso RTL 2. If you wanna talk to me, know that Low sur RTL 2. Ce matin, dans le double expresso RTL 2, Justine Salmon et Grégory Hachère reçoivent Clara Luciani. Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre dans le double expresso RTL 2. Il est 8h06. Bonjour Justine. Et bonjour Greg. Bonjour à tous. On est en pleine forme depuis ce matin à 6h. Et alors, nous avons notre invitée du vendredi, c'est Clara. Attendez. On l'appelle Clara, évidemment, mais depuis le début de la semaine, on a un grand débat sur comment bien prononcer son nom. Clara, bonjour déjà. Bonjour. Vas-y, dis-le toi-même, comment tu veux qu'on le prononce. Vas-y, je t'en supplie. Mais c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'en fait, j'ai envie que les gens puissent le prononcer comme ils veulent. Voilà. Puisque de toute façon, je veux vexer personne, mais il y a qu'en Corse qu'on le prononce c'est bien. C'est bon, alors, nous, on dit Clara Luciani, que les Corses mais qu'ils font bien. C'est peut-être Clara Luciani. C'est très bien. Voilà, les deux vont, en tout cas. On est ravis de t'accueillir avec cette chanson qu'on a découverte sur RTL2. Tiens, on se la met comme ça dans la tête. La Grenade. C'est une chanson qu'on entend régulièrement dans le Double Expresso et qu'on aime énormément. On est très heureux de t'accueillir. Et surtout, pour toi, la musique, ça a commencé de manière, alors j'allais dire un peu étrange, mais c'est souvent le cas pour les artistes. T'étais à la fac, c'est ça? Je ne suis pas complètement fou au début. Oui, c'est ça. J'ai fait un an. C'était bref, à mon passé. Oui, enfin, t'étais là parce qu'il fallait faire quelque chose après le bac, quoi, en gros. Exactement. Ben voilà, essaye pas de t'arnaquer. Je suis parent, je sais ce que c'est. J'ai été étudiant. Et puis après, t'as rencontré Marlon du groupe La Femme, c'est exactement, ça? Exactement. Comment ça s'est passé? Eh ben, je suis allée les voir en concert à Cannes et puis de fil en aiguille, on a fini par danser ensemble sur la plage. Yeah. Sympa. Ça. Ah ouais. Et puis on a discuté. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis écoute, bah, moi je m'ennuie un petit peu à la fac d'histoire de l'art et j'aimerais bien chanter. Et il m'a fait chanter un truc comme ça et puis il m'a donné son adresse mail. Et je suis arrivée à Paris, guitare sur le dos, avec juste ce mail en poche. Et puis je lui ai écrit. Et puis j'ai fini par à la fois chanter sur leur premier album et puis à partir en tournée avec eux. Incroyable, absolument ouais, incroyable. C'est une belle histoire. Ah et ouais. cet album est arrivé, un album autobiographique d'ailleurs, qui parle de toi donc. Voilà. C'est le concept d'autobiographique. Oui, qui parle de non, toi. Non, mais c'est bien, c'est intéressant mais de rappeler ce que veut dire autobiographique. Et plusieurs artistes nous l'ont dit ici. Apparemment, quand on traverse des étapes difficiles, il est plus facile d'écrire un album. J'ai appris, toi, apparemment, c'est une rupture qui a fait que tu as écrit tes chansons en français et c'est parti. Ouais, clairement, ça a été vraiment le départ, quoi. J'avais du mal, moi, à écrire en français. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais pas grand chose à raconter avant ça. Que je me sentais pas légitime, je me sentais pas non plus assez adulte pour ça. Puis tout à coup, tout a basculé et je me suis mis à écrire plein de chansons. J'avais enfin la matière pour. Sainte Victoire, c'est cet album qui est sorti début avril, évidemment, qu'on vous invite à acheter, à télécharger. Clara, tu vas chanter en direct dans quelques minutes dans le Double Expresso, ce sera La Grenade, évidemment. Oui. On l'entendra. Mais pour le moment, on va écouter un classique du son pop rock avant de partir encore plus avec toi, à ta découverte, puisqu'on ne te connaît pas très très bien encore pour le moment. C'est l'occasion pour nos auditrices et nos auditeurs de t'écouter en live et de te connaître. C'est Genesis I Can Dance sur RTL2. I Can Dance dans le Double Expresso RTL2. Clara est en pleine répète. Là, c'est les balances. Ils sont en train de préparer le live qui arrive dans quelques minutes. On va écouter Clara Luciani avec La Grenade sur RTL2. A tout de suite, bougez pas.

8h17, c'est le double expresso RTL2 du vendredi matin. Et on est quasiment en public, vous êtes au moins 250 dans ce studio. Applaudissez-vous, ouais. Tiens, c'est bien, c'est l'ambiance. Mais tout le monde est venu voir Clara. Eh oui, parce que c'est le moment du live. Clara Luciani en direct dans le double expresso RTL2 avec la grenade. Madame, messieurs, c'est à vous en direct. On a dansé, on l'a perturbé, ça n'a pas bougé, c'est une machine incroyable. Quel énorme. Ah non, mais et franchement, je vais vous le dire, c'est un énorme tube. Ah ouais. C'est un énorme tube. Comment s'appellent tes deux camarades de jeu, le bassiste, le pianiste? Adrien Adeline et Albon Claudin. On peut les applaudir également, bravo. Ils étaient très bons, on était en direct. Dans le double expresso RTL2. Je crois qu'on peut vous applaudir vous aussi parce que vous avez très bien dansé. On a dansé, t'as vu? Ah, c'était très joli. Mais en fait, beaucoup de travail dans le déhanché. Ça retrouvé en vidéo sur RTL2. La fatigue et les nerfs font magnifique. Un truc. Ah, c'est incroyable. Oh là là, non, mais je suis très sérieux quand je dis que c'est un énorme tube. Un tube, on explique en radio que c'est quelque chose qu'on est capable de fredonner dans la. Je dis fredonner. De fredonner en une écoute. Et là. C'est absolument imparable. Il y a même, c'est quoi, une tonalité un peu disco dans cette chanson-là? Ah, ça me plaît que vous disiez ça. Bah, je le pense, franchement. Oui, et c'est pas que pop rock, c'est vraiment bien. Et il parle de quoi, ce titre, d'ailleurs? Eh ben, encore une fois, je crois pouvoir dire qu'il parle de moi, d'abord. Voilà. Parce non, que t'es très égocentré. J'ai l'impression que c'est autobiographique. Oh là là, t'es très égocentré. Moi, tout le temps, là. Arrête un peu. Tu peux pas t'intéresser aux autres un peu, Clara. Non mais je sais pas, avec tous ces gens qui souffrent tout le temps. Non mais c'est une chanson qui est devenue très, je crois, universelle. Mais c'est moi, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'en avais ras-le-bol d'être sous-estimée en tant que femme et que femme musicienne aussi. Et ça marche franchement très bien. Bravo pour ce morceau. Dans un instant, tu vas vivre un des grands moments de ton existence. Tu ne le savais pas, mais tu vas faire l'horoscope du double expresso RTL2. Wow. T'as forcément un signe astrologique. Et donc, forcément, tu vas pouvoir révéler aux gens leur horoscope du jour. T'as la pression un peu, non? Je suis ravie. Tu regrettes d'être venu là? Ah non. Là, je vois que tu stresses. Bravo en tout cas pour ce morceau live, La Grenade, qu'on vous invite à réécouter en replay sur RTL2.fr. Oasis, whatever, dans le double expresso RTL2. Et Clara Luciani est avec nous ce matin dans le double expresso. Un mot, alors je vous raconte ma vie, c'est la famille, on est entre nous. J'ai mon pote Flo qui nous écoute en voiture. Il vient de m'écrire, il me dit alors là, je le télécharge tout de suite, j'adore ce morceau, c'est magnifique, c'est un tube. Ah, ouais, Flo. Il est bien. Un homme de goût. Oui, oui, oui. Pas toujours, mais là, oui, tu vois, pour le coup. Et il y a mon père aussi, bien sûr, qui m'a envoyé cette jeune Clara. On l'embrasse. Toujours là. On vous écoute et on vous aime, nous aussi. Allez, on y va pour l'horoscope avec Clara et Justine. Allez, médaille de bronze avec les vierges. Alors, quelques critiques vous ont miné le moral. Il ne faut pas les écouter. Les balances. Courage, le week-end arrive, vous allez enfin pouvoir respirer. Et les scorpions. Essayez de vous ouvrir davantage aux autres. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Taureau. Cette journée s'annonce parfaite, tout simplement. Les cancers. Aujourd'hui, vous êtes prêts à relever tous les défis. Lion. Vous savez faire preuve d'une grande fidélité en amitié. Les sagittaires. Vous aimez sans compter et en voleront bien. Capricorne. Quel charme, vous êtes irrésistible. Les Verseaux. Vous êtes un passionné. Discuter avec vous est toujours un vrai plaisir. Poisson. Vous savez vous amuser tout en restant raisonnable. C'est un très bon point. Et médaille d'or, nos champions du jour, les Gémeaux. Bonne humeur, chance et rire sont au programme aujourd'hui. Vous terminez la semaine en beauté. Tu recherches des chanteuses pour ton horoscope? On voit 8-12-12, Clara. N'hésite pas, incroyable cette voix. Bon, Clara Luciani était notre invitée. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec elle. Nous, on était ravis de t'accueillir. Merci. Ça va très vite, tu reviendras évidemment quand tu veux. Je suis sûr que tu passeras dans le live. Tu es toujours la bienvenue ici sur RTL de Clara, sache-le. Et tu es actuellement en tournée. J'en profite quand même pour rappeler qu'il y a la Cigale à Paris le 29 janvier et l'Olympia le 12 avril prochain. N'hésitez pas à prendre vos places. Applaudissements pour Clara Luciani. Bienvenue ce matin en direct, chanter après une courte nuit de sommeil. C'est ça les artistes, ça dort 20 minutes sur la plage arrière et ça vient chanter en direct dans l'émission. Respect Clara, à très vite. Merci d'être venu ce matin, on écoutera Queen, Manzé Merlo et puis le winner du jour sur RTL2.

passe à la météo. La perturbation d'hier va peu à peu se décaler vers l'est du pays. On attend de la pluie du sud-est du massif central à la région PACA. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec le retour des éclaircies. Quelques orages quand même aux abords de la Manche. La pluie sera plus fréquente près de l'Atlantique et sur tout le sud-ouest. L'après-midi, les averses concerneront particulièrement les Cévennes et le Var. On attend de la neige des 1200 mètres d'altitude. Les températures, elles sont en légère baisse. 7 degrés à Sarreguemines ce matin, 8 à Lens et Limoges, 10 à Monaco, 11 à Bonifacio, 12 à Quiberon, 13 à Arcachon. Cet après-midi, on attend 9 degrés à Mâcon, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, Tours et Castelnaudary. 8h32, c'est le double expresso RTL 2. Le winner du jour est particulier, Justine, parce que ça concerne quelqu'un de l'équipe. Oh là là, on peut pas en dire plus. Restez là, évidemment, c'est après Manz et Merlo dans le double expresso RTL 2. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. Fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme. Should have gone home dans le double expresso RTL 2. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Alerte générale, le winner du jour concerne quelqu'un de l'équipe. C'est comme au Cluedo, hein, mais on a déjà la réponse. Ah, okay. Vous le savez, vous vous souvenez, l'an dernier, on avait couvert le champion du monde de pull moche, le premier, la première édition. C'est à Albi. Exactement. Max, notre responsable des réseaux sociaux, était parti là-bas avec son pull moche. Tu avais fait danser, chanter les gens. On avait une vidéo incroyable sur la page Facebook de l'émission. Eh bien, cette année, je vous le dis fièrement, parce qu'on est vraiment très heureux, le double expresso fait encore plus fort, Justine. Max a pris du grade. Ouais. Et il va venir jurer. Il du championnat juré, du monde il de plus dans moche. Le jury, bravo. Bravo. Merci, merci. C'est j'ai la rien classe. Fait encore, hein, mais. C'est la classe. Ouais. À côté de Hervé, l'ex-champion du monde. Waouh. Ouais. C'est ça bien. Va être la classe. Mais alors, raconte, tu vas faire quoi? Je vais aller juger. Il y aura des enfants, des adultes, des groupes, des familles. Alors, sont acceptés les pulls de Noël, les cols roulés qui piquent, les pulls des années 60, 70, 80, et même pour toi Greg, les pulls Waikiki. Ah oh, oui, parfait. Tu peux y aller. Non, je vais, tu vas y aller pour moi. Et ça va être génial, on va s'en occuper ce week-end. Vous retrouverez toutes les aventures de Max sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Évidemment, compte rendu lundi matin dans l'émission. Ça va être un beau moment. Mais j'imagine qu'il y aura des petites choses particulières là-bas. Ouais, ouais, il y aura le plus grand pull du monde de Noël. Il va faire, il fait à peu près 8 mètres sur 5. Waouh. Ah oui, quand même. Ouais. Et qui porte ça? Bah, quelqu'un de grand, apparemment. Oui, c'est ça. Excellente répartie. Excellente répartie, c'est quelqu'un de grand. Bon, suivez ça en tout cas sur les réseaux sociaux. Max va nous faire vivre ça comme personne. Bon, c'est parfait. Un dernier mot, Max. Dénouement samedi à 19h. C'est, on va on sera en live tweet sur Twitter et sur Facebook. Guettez évidemment ce chemin du monde de pull moche. Max du Double Expresso RTL2 sera dans le jury. Pour le moment, on se motive. Voici Queen, Don't Stop Me Now sur RTL2. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Qui est sorti en France avec RTL2 est toujours à l'affiche, toujours un aussi gros carton, box-office incroyable pour ce film. Et Don't Stop Me Now. Il y aura le top 3 de Jonathan Donnel à 8h55. Évidemment, je suis toujours là, je n'ai pas quitté la pièce. Et puis la dernière banque de la semaine, Justine. Vous nous appelez, il est encore temps, 32-28 ou sinon banque au 74-900 par SMS pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Et on écoute Radio Délice sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de U2. Ce titre de Maroon 5, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de George Ezra. RTL2.